Hamlet. Dites cette tirade, je vous prie, comme je l'ai prononcée, lestement sur la langue. Car si vous devez la beugler comme font tant de comédiens, j'aimerais autant faire dire mes vers par le crieur public. Et puis ne sciez pas trop l'air avec la main, comme ça, de la mesure en tout. Car dans le torrent, la tempête est, pour ainsi dire, le tourbillon de la passion. Vous devez acquérir et engendrer en vous une retenue qui lui donne du couler. Oh, cela me blesse l'âme d'entendre un furieux gaillard en perruquet déchirer une passion en lambeaux, oui, en charpie fendre les oreilles des spectateurs du parterre, qui pour la plupart n'apprécient rien que des pantomimes incompréhensibles et le fracas. Ne soyez pas non plus trop bridé, mais laissez votre discernement vous guider. Réglez le geste sur le mot et le mot sur le geste en vous gardant surtout de dépasser la modération de la nature. Car tout ce qui est forcé s'écarte du propos du jeu théâtral dont le but dès l'origine et aujourd'hui était et demeure de tendre pour ainsi dire un miroir à la nature, de montrer à la vertu ses traits, au ridicule son image, et à notre époque et au corps de notre temps sa forme et son effigie.